Le ministre coréen des Affaires étrangères, Lee Yong-won, présent au 17e sommet des chefs d'État de non-alignement, a rencontré respectivement pendant la réunion ses homologues vénézuéliens, zimbabwéens, palestiniens, égyptiens et soudanais, le ministre d'État du ministère des Affaires étrangères du Nigeria, le ministre de l'enseignement supérieur sénégalais et le conseiller des affaires de la sécurité d'État et diplomatique du premier ministre pakistanais. Précédemment, il a aussi rencontré les ministres cubains, iraniens, turcs et érythréens des affaires étrangères et le vice-ministre nicaraguayen des affaires étrangères. Il y a discuté des problèmes de développement des relations et des problèmes de coopération mutuelle dans les rendez-vous internationaux.